Et je termine en vous disant, par rapport à l'imbécile, par rapport au trou du cul qui est grimpé sur le pont, si j'étais le chef de police, j'enverrais un gars avec un fusil puis des balles de caoutchouc, deux gars en bas avec un filet, une balle sur une épaule, une balle en arrière de la tête, le gars dans le filet, tu me crisses ça à l'hôpital avec des menottes, tu m'envoies ça à Victoria, c'est terminé, on passe un autre appel, on rouvre le pont. 19h23, on s'arrête.